salut, c'est moi Yann. T'es sur le point d'écouter un autre podcast de Garage Wanderlust. Pour celui-là, on va aller faire un petit tour en Amérique du Sud, aller du côté du mythique pays qui est la Colombie. Ben oui. Ah oui, quel pays. Je raconte ce que j'ai vécu dans pas long. À tout de suite. La Colombie. Difficile de raconter mon histoire en Colombie sans commencer vraiment le début qui est l'arrivée. Hey, je vais te raconter ça. On est arrivé en Colombie. Ben, on est arrivé en Colombie, on n'a pas le choix d'arriver soit par avion, soit par bateau, parce qu'il n'y a pas de route qui rentre en Colombie. La seule contact avec l'Amérique centrale que la Colombie a, c'est par le Panama. Et entre les deux, c'est le Darien Gap. Il n'y a pas de route qui traverse le Darien Gap. Fait que on n'a pas le choix d'arriver par avion ou par bateau. Moi, c'est sûr que par avion, c'était vraiment pas dans mon budget. Fait qu'on est arrivé par bateau. Je vais sûrement faire un podcast à un moment donné de la traversée des San Blas en bateau, parce que juste ça, c'est une expérience, mais faire une histoire courte. On arrive en bateau dans la côte pour se diriger en direction du port. Première vision qu'on a de Cartagène, parce que c'est la ville dans laquelle on a rentré. Cartagène, c'est une vieille ville, une des premières villes, 1500, une ville de ces années-là qui est très espagnole. Mais la première vue qu'on voit, non, c'est des grands buildings blancs, tous des gratte-ciels blancs, pas très occupés. L'ambiance, on arrive, c'est brumeux, il est assez en début d'après-midi, il y a encore beaucoup de brume, les buildings sont hauts, tout est blanc, il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est assez lugubre comme première arrivée. La seule chose qui est positive, c'est les dauphins qui suivent le bateau et qui nous amènent dans le port. Une fois le bateau accosté dans le port, c'est une sorte de baie, et on doit bien sûr descendre les motos. Moi, c'est sûr, c'est ma première inquiétude d'apporter les motos sur la terre ferme. Mais sur le bateau, on était 12, 13 avec le capitaine, mais 12 voyageurs. Seulement 2 en moto puis 1 vélo. Donc, vélo, ça se débarque bien. Première préoccupation, débarquer. Mais aussi, il y en a un autre que les gens ont, qui est les visas. Ben, ça prend pas un visa, mais ça prend au moins un tampon dans le passeport pour entrer en Colombie. Donc, lorsqu'on arrive comme ça en bateau, l'entente avec le capitaine, c'était qu'il s'occupait de notre traversée des douanes. Donc, le capitaine prend l'entente, prend les passeports de tous les occupants du bateau, donne ça à son intermédiaire, la personne qui s'occupait, le spécialiste, pour sortir, qui s'envoie lui sur la terre ferme pour préparer nos visas, les tampons de visa. Pendant ce temps-là, le capitaine, lui, commence à débarquer les gens. Donc, dans ce cas-là, il utilise l'annexe. L'annexe qui est le petit bateau qui est avec l'arrière des gros voiliers pour aller de la terre ferme au voilier. Un petit annexe. On commence les autres touristes avec nous autres qui étaient des voyageurs pack-sac faciles à débarquer. Pendant ce temps-là, nous, on attend. Bon, non, on voit une chaloupe arriver. Une petite chaloupe. Et le capitaine me fait signe que c'est là-dessus qu'on va débarquer les motos. Je le croyais pas, là. Je dis chaloupe, mais chaloupe. J'irais plus canot à tendance chaloupe. C'est pas gros, ainsi de suite. Avec deux Colombiens qui arrivent à Cosse, apportent le bateau sur le bord, puis les Colombiens commencent à regarder la moto, savent pas trop comment l'attacher. Le capitaine lui donne une strap, passe la strap en dessous de la moto. Mais on voit que les gars sont pas habiles, ils savent pas trop où ils vont. Pendant ce temps-là, le capitaine, il prend son palier, son palan, parce que les motos, on les prend avec le palan, lève ça, descend ça, tourne ça à l'extérieur du bateau, descend ça en plein milieu de, je vais utiliser le terme chaloupe. Mettre la moto dans le milieu de la chaloupe. Donc, le capitaine n'est pas là parce que le palan est pas directement à côté. Commence à lever les motos. Je vois les Colombiens qui sont pas très habiles. On voit même qu'ils sont pas très forts. Fait que je lui donne solidement un coup de main. Donc, on se met à 3. Place la moto, aligne ça. Descend la moto sur la chaloupe. Place ça. Et on débarque la strap en tour. Et je pars seul avec les deux Colombiens pour débarquer les motos sur la terre ferme. Une fois arrivé, une espèce de petit quai, une espèce de petit deck. Principe est assez simple. Les deux Colombiens se mettent sur le quai. Un qui prend le guidon, l'autre qui prend le porte-bagages. Il me demande, moi, à l'intérieur, de prendre l'arrière de la moto et de swinguer la moto sur le quai. Premier essai, le gars, celui qui a l'arrière de la moto pas assez fort, la moto lève pas, lève le devant, l'arrière du bateau vient se mettre presque en perpendiculaire avec le quai. La moto manque tomber à l'eau. On réussit à rattraper ça. Finalement, c'est pour dire, avec un vrai 1, 2, 3, on réussit tant bien que mal à monter la moto sur le quai. Ça a tout pris pour pas l'échapper à l'eau. Quand on rembarque les Colombiens, retourne au bateau pendant ce temps-là. Une fois au bateau, j'explique au capitaine qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, bon, c'est impossible. J'ai dit, la moto à Marie est beaucoup plus légère que la mienne. Là, quand que je vais arriver avec la mienne, on monte pas ça. Le capitaine, il comprenait pas. C'était pas ça l'entendre. C'était pas comme ça que c'est supposé se passer. Fait que le capitaine commence à crier à des bateaux autour et on voit d'autres gens arriver proches en annexe. Pendant ce temps-là, pendant que je gérais ça avec le capitaine, les deux autres Colombiens avaient strappé ma moto, qui passe la strap autour de Jarvis. Jarvis, c'est le nom que j'avais donné à mon KTM 990. Donc, il passe la strap, puis il commence à vouloir lever ça. Moi, et là, j'ai des frissons, j'accours, je commence à lui donner un coup de main, parce que c'est quand même une moto qui est beaucoup plus imposante que le 650 à Marie. Et là, la moto se lève tranquillement, la moto est rendue dans les airs. Soudain, une fois que la moto est dans les airs, je vois au lien arriver un bateau avec une lumière en avant, la lumière de police qui tourne. Gaz au fond, le policier en avant du bateau, la patte sur le devant, la mitraillette armée, se dirige directement vers nous. Alors, qu'est-ce qui se passe, les images de film. On est assis, on les voit arriver, tout est au fond, il se tire directement, j'ai une moto dans les airs, il commence à nous envoyer, à lancer des choses en espagnol, on comprend rien, absolument pas ce qu'ils disent, et c'est là que mon capitaine vient à côté de nous, puis commence à lui parler des choses, ainsi de suite. C'est sûr que c'était la garde côtière qui venait, il avait vu qu'on débarquait des motos, donc la garde côtière avait été appelée pour voir qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là. Là, première chose que je pense, j'ai plus mon passeport, là. Mon passeport est parti, ma moto est dans les airs, la garde côtière, elle vient d'accoster. Et c'est la garde côtière colombienne. La seule chose que je connais de la Colombie, c'est la réputation. Donc, je commence à filer un peu petit pendant ce temps-là, jusqu'à temps que la garde côtière demande les titres. Donc, à ce moment-là, les titres, la moto, on sort, nous, nos papiers d'assurance, ce qu'on appelle ici nos licences. Parce que mes parents appellent un petit papier vert plié en deux qui nous donne lors de l'immatriculation d'un véhicule, qui fait qu'on est propriétaire de la moto. Donc, pour nous, nos titres, c'est nos preuves de propriété, c'est ça. C'est notre petit maudit papier vert, pas large. Je dis petit maudit parce que dans tous les pays que j'ai vu, que je suis allé, que j'ai eu connaissance, c'est un titre, c'est une espèce de certificat que la première chose qui est en haut, c'est l'endroit où que la voiture a été achetée et par qui. Et c'est toujours le propriétaire. Donc, ce titre-là, qui est une forme de certificat, suit le véhicule. Donc, si tu achètes le véhicule, il vient avec le titre et c'est ton nom maintenant qui est sur le certificat et ainsi de suite. Blablabla. Donc, tu as toute l'historique du véhicule et c'est toi qui as les papiers officiels et ainsi de suite. Nous, c'est la SAC qui fait ça. Donc, on va là, nous, on paye, eux autres s'occupent de notre historique, nous donnent un papier, puis il faut y retourner toutes les années pour s'assurer qu'on est en ordre. Alors, parenthèse. Hey, j'écoute ça, là. Je m'excuse. Je suis tout le temps en train de dire donc. Donc, je ferme ma parenthèse, puis je continue. Là, faut pas oublier que c'est l'Australien qui est là, puis qui nous demande nos titres. Il faut expliquer à l'Australien que nous, c'est des titres, et l'Australien qui essaie d'expliquer à la milice espagnole, colombienne, qui est là, que... Je dis milice, je n'ai jamais fait la différence entre la garde côtière et la milice. De toute façon, qui était armé, c'était plus milice que garde côtière. Mais qui faisait le traducteur pour nous expliquer que nous, c'est ça nos titres. Mais c'est à ce moment-là, quand on l'explique après ça, qu'on est des Canadiens, ils demandent les passeports, mais les passeports, blablabla. Alors, de ce que je comprends de mon peu d'espagnol, finalement, ils décident que c'est correct, ils vont nous laisser débarquer les motos et ainsi de suite. Ce qui fait que pendant ce temps-là, les deux Colombiens qui étaient dans la chaloupe en bas attendaient. Et on continue maintenant. Finalement, tout ça faire assez de raccourcir mon histoire, on finit par mettre Jarvis sur le bateau. Quelques personnes arrivent avec leurs annexes qui avaient été appelées par le capitaine, nous donner un peu un coup de main pour sortir la moto, on met les motos sur le quai. C'est ça prend un certain temps. Parenthèse. J'ai peut-être oublié d'expliquer c'était quoi une annexe. J'ai cherché le terme. C'est le petit bateau que les gens qui ont des plus gros voiliers traînent toujours avec eux quand ils sont amarrés dans une baie pour reprendre la terre ferme. Là, au moins, je suis sûr, c'est clair. Je ferme la parenthèse, puis je continue. À ce temps-là, je me ramasse. Tous les autres occupants du voyage avec nous autres sont partis. Alors là, le capitaine est avec nous autres sur le quai, puis il nous dit, j'ai pas vos passeports, je vais vous redonner les passeports ce soir à telle terrasse. Aller au la terrasse d'un restaurant, il nous donne l'adresse, le nom. C'est facile à trouver. Il nous explique ça, il nous donne ça et il quitte. Alors, nous, on est avec nos motos sur le quai, dans un endroit qui est quand même assez passant. Et la seule chose qu'on a dans nos mains, c'est une adresse. Il faut être là le soir à 19h. On n'a pas nos passeports, puis on ne sait pas où on va dormir. On est seul, on n'a rien. Donc, on commence à chercher. On voit ça comme aventure colombienne numéro 1. On commence à chercher et on pose des questions. On s'en va à l'entrée, à la réception du quai. On demande comment ça fonctionne, une place où est-ce qu'on pourrait coucher. Il nous explique des places où qu'on pourrait coucher, mais c'est à l'intérieur du mur. Quand j'explique le mur, c'est que Cartagène, c'est une vieille ville qui a été construite par les Espagnols. Et c'est une ville fortifiée. C'est une ville quand même qui était à l'époque très riche parce que c'était les gens bien aisés espagnols qui y habitaient. Et la ville, la vieille ville, il y a des fortifications tout le tour qui fait qu'il y a comme une porte. On doit rentrer, un peu comme les portes Saint-Jean à Québec. Une fois que tu es à l'intérieur de la porte, on disait « à l'intérieur du mur ». C'est le terme qu'ils utilisent là-bas. Ben, c'est ma traduction libre de l'espagnol. Donc, à l'intérieur du mur. Donc, ils nous disent que pas le droit d'aller à l'intérieur du mur avec les motos. Mais que c'est quand même, vu qu'on est des touristes, que les chances qu'ils nous laissent aller sont assez grandes. Bon, ben, OK, les hostales qu'on peut coucher sont à l'intérieur du mur. Le restaurant qui nous dit est à l'intérieur du mur. Donc, on commence à chercher des indications pour trouver un hostal. Finalement, quelqu'un qui ressemble des indications vous dire qu'il existe un hostal juste à l'intérieur du mur, en endroit, très rapidement. Donc, nous donne l'explication. On doit entrer, tourner à droite. Donc, selon ces explications, aussitôt qu'on va voir le poste de police, on se trouve à tourner autour du poste de police pour continuer sur la rue pour trouver notre hostal. On prend la décision primaire d'y aller. C'est en s'y rendant qu'on se dit, ben, comme aventure, en Colombie, sans papier, sans passeport, entrer dans le mur en moto, et pour ce faire, aller entrer en avant d'un poste de police. Première impression colombienne, assez bizarre, on doit dire. Mais par contre, ça a changé assez rapidement. On a trouvé l'hostal facilement. L'hostal a accepté de garder nos motos dans le hall, fait que la moto est à l'intérieur. Et là, maintenant, on était en toute sécurité dans un endroit où on pouvait aller visiter une ville qui est quand même reconnue par l'UNESCO. Donc, on se promène dans la ville. Bon, on se douche, ainsi de suite, tout ce qu'on voulait faire. Enfin, on avait le pied ferme. On sortait d'être 5 jours en mer. Donc, on était contents. Mais marcher dans la ville pour voir que Cartagène, c'est vraiment une ville à visiter. Donc, on avait le goût d'y rester, marcher un peu, tout ça pour se rendre, bien sûr, le soir au restaurant que notre capitaine nous avait mentionné. Pour y retrouver, en arrivant, on voit la table extérieure remplie de nos amis de la traversée qui étaient tous là, qui nous attendaient. On attendait le capitaine jusqu'à qu'on arrive quelques minutes après nous. Les deux bras nazaires dansant un peu en disant « j'ai vos visas » et nos passeports. Il nous apporte les papiers et de cette façon-là, on savait qu'on pouvait repartir. C'est sûr que toute la situation était parfaite pour passer une belle soirée en bonne compagnie avec des gens d'un peu partout dans cette ville magnifique qui est Cartagène. Mais c'est sûr, nous, ça s'arrête pas là. Il fallait maintenant préparer les motos. On n'a pas le droit de rouler une moto comme ça avant d'avoir un papier d'importation. Donc, c'est ça aussi, c'est une autre histoire. Parce que les papiers espagnols, les papiers colombiens, ça ressemble beaucoup, beaucoup aux papiers québécois. Donc, assez difficile. Parenthèse, quand j'enregistrais la Colombie la première fois, je devais mettre de la musique. Mais c'est un petit peu compliqué avec les droits d'auteur puis les permissions spéciales. Fait que j'ai décidé de changer ça pour des parenthèses. Fait que je ferme celle-là puis je continue. Première soirée à la ville de Cartagène, à l'intérieur du mur. Quand même, c'était une belle soirée. Et le retour le lendemain, on pouvait pas sortir de la ville comme ça. Il fallait absolument avoir notre permis d'importation de moto. Parce que ça prend ça. C'est comme le permis qu'on a une moto immatriculée à l'étranger, a le droit de rouler dans chaque pays. Fait qu'on a toujours besoin de ça. Alors, on se met à la recherche du bureau. Donc, on n'avait pas de carte, on n'avait rien, donc à force de poser des questions, c'est sûr que on finit toujours par rire un peu. On essaye, c'était à droite qu'il fallait tourner. On avait compris que c'était à droite, mais ils nous avaient dit à gauche. Enfin, ça pour dire, on finit par trouver le bureau d'immatriculation. Je vais appeler ça comme ça. C'est, je sais pas comment ils appellent ça là-bas, là, mais c'est là qu'on peut enregistrer les motos pour l'importation. qu'on rentre à l'intérieur, puis une fois rentré, ça ressemble un peu à un bureau de la SAC. Ça ressemble vraiment à un bureau de la SAC, là. On voit comme une espèce de réception avec une petite barrière à côté, des fonctionnaires qui travaillent en arrière, une vingtaine de chaises alignées dans lesquelles il y a des gens qui sont assis. Fait que nous, on rentre. La première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde un peu, on essaie de voir, on va lire comment ça fonctionne. Puis un grand type qui vient nous voir. Donc, un monsieur assez âgé, avec un veston trop grand, maigre, il manquait des dents dans la bouche. Puis là, il vient nous demander si on avait besoin d'aide. Lui, il avait, vu qu'il n'y a pas de frontière terrestre qu'on peut arriver, c'est sûr que tout le monde arrive par bateau. Donc, c'est ce genre de type qui doit être parqué sur un quai, puis il doit regarder le monde qui débarque le bateau. Puis après, c'est sans mon bureau. Puis comme ça, ils nous offrent leur aide pour faciliter les papiers. On a ça d'habitude, on a ça dans les douanes. Quand on arrive aux douanes, passe aux douanes terrestres, tout le temps des gens qui viennent nous harceler pour nous donner un coup de main. Mais là, lui, est là, il est poli. C'est sûr que le veston trop grand, puis toute la patente, ça ne donne pas le goût trop, mais c'est le seul. Puis il est super poli. Il a de l'air à savoir de quoi qu'il parle. Fait que une fois qu'on en... On s'entend, on se serre la main, OK, tu vas me donner un coup de main. Fait qu'aussitôt qu'on dit ça, il se tourne de bord, il s'en va directement, lève la gate, passe derrière, s'en va parler à un fonctionnaire, revient, nous donne un papier, nous dit de remplir ça. On remplit, on s'assied, on attend, puis soudain, le fonctionnaire nous appelle, on va s'assied avec le fonctionnaire, remplit les papiers qu'on a besoin, les questions, on répond à ces questions. On a terminé de répondre aux questions. On ressort pour attendre la finalité des papiers. Et c'est là que... on a su que ça prenait quand même un peu de temps à tout rentrer les données pour avoir notre papier officiel. C'est à ce moment-là que l'aideur, je vais l'appeler de même, la personne qui est venue à notre rencontre, vient nous rejoindre, puis là, il nous dit que c'est ça, on prend des assurances. Mais on sait pas. C'est toujours bizarre. J'essaie souvent d'avoir les informations. Ça me prend-tu une assurance? Ça me prend-tu pas d'assurance? Mais l'assurance couvre-tu? C'est tant spécial d'assurance. Mais j'avais lu dans quelques reports que ça prenait des assurances en Colombie. Fait. Oui, OK, parle-moi des assurances. Si ça prend seulement des assurances, vous avez pas... Tout est véridique, c'est bien, le gars fait ça, OK, on le croit. Fait que là, il me dit, il faut aller chercher les assurances. OK, parfois, on est parti. Fait que, comme on dit ça, il sort de la bâtisse, puis il appelle un taxi. Il se lève la main, il appelle un taxi. Fait que là, tout de suite, là, mon mari, on se regarde, un peu, il appelle un taxi. Fait que, on sait pas trop, on embarque dessus, on embarque tu pas, c'est bizarre. Fait que, ce qu'on s'était dit, moi et Marie, en partant le voyage, c'est que notre règle, c'est qu'on se quitte jamais. On reste tout le temps ensemble. Fait que là, on a dit, la première chose qu'on s'est dit, c'est, dans le taxi, on est ensemble. Fait que on est correct. Fait que là, j'essaye, je dis au gars, OK, on va embarquer. Finalement, c'est moi puis Marie en arrière, puis c'est en avant, puis hey, c'est loin. Là, ça roule, on s'en va, on se ramasse. Puis on se ramasse dans un petit coin perdu. On sort vraiment du centre-ville où est-ce qu'il y avait plus de personnes, puis on rentre plus dans ce qui est en circonférence des grandes villes. Là. C'est moins riche, c'est plus difficile un peu comme milieu, disons. Là, le taxi nous débarque là, le monsieur ouvre la porte, il donne de l'argent au gars du taxi... on se demande, on sort-tu? Finalement, on sort. On regarde ça. Et comme on arrive, le monsieur le prince dit, suivez-moi. Il y a un gars qui est assis sur un trottoir pas loin à côté. Puis en le voyant arriver, un jeune, je dirais, mi-vingtaine, avec un pack-sac, un gilet rouge, les cheveux ébouriflés un peu bruns. Je m'en rappellerai toujours de sa face. Puis il s'en vient vers nous. Commence à nous jaser, pas nous, mais il jase à notre aideur, puis parfait, on s'en va. Il nous apporte dans une espèce de restaurant, une espèce de terrasse de restaurant couverte. Là. Je dis une terrasse parce que c'est comme quand même à l'extérieur, il y a un toit puis un mur, puis le reste c'est ouvert avec des vieilles tables. Il nous tire une chaise puis nous demande de s'asseoir. Là, je dis, je veux pas m'asseoir, je veux mes papiers, mais encore une fois, il faut comprendre qu'il parle un peu anglais, ce monsieur-là, mais pas beaucoup. Fait que j'essaie entre espagnol puis anglais, puis le langage des signes. Parenthèse, je réécoute ça, là, puis je n'ai pas assez mis. C'était vraiment pas cool, là. C'était pas cool, là. Il était vraiment deux que le ton montait. C'est ça. Je ferme la parenthèse, puis je continue. C'est la chaise. Non, assis-toi, c'est pour les papiers. Fait que là, je vais pas m'asseoir. Ben, j'ai besoin de tes papiers. J'ai besoin de tes... il m'a demandé mes titres de moto pour aller chercher les certificats d'assurance. Fait que là, je dis, ben oui, j'ai mes titres de moto, mais je te donnerai pas mes titres de moto. Il m'explique qu'il faut que je m'assoie là, que j'attende qu'il parte, lui, chercher les titres de moto avec le pack-sac, puis qu'il revienne avec les assurances, puis qu'après ça, alors, ça commence à être bizarre un peu. Fait que là, c'est ça, je lève le ton un peu, je deviens un peu plus sec. Et là, j'étais comme entré dans le restaurant. Donc, mon premier objectif a été de sortir peu à peu du restaurant, parce qu'il n'y a comme pas de porte. Essayer de sortir du restaurant pour être dans un endroit ouvert. Fait que si jamais ça brasse, au moins il va y avoir des passants, des choses. Fait que c'est la première chose que j'ai en tête, c'est que fait que pendant que le gars s'astine avec moi et que le jeune au pack-sac commence à s'en mêler, qu'il a besoin de mes papiers, et ainsi de suite, je réussis à sortir. Pendant ce temps-là, Marie est à côté de moi, puis je veux pas vraiment qu'elle s'en mêle non plus, parce que ça commence, le ton lève. Et là, on est rendu dans le bord de la rue, on s'astine encore, je veux pas lui donner les papiers, il essaierait pas de me dire qu'il y a pas d'autre façon de faire. Et comme par défaite, il y a trois jeunes passants, il y a du monde qui s'attroupe un peu, mais il y a trois passantes qui sont là, dont une qui parle, je dirais des adolescentes, on parle de filles de 16, 15, 16 ans maximum, là, une qui baratine quand même l'anglais. Fait que là, elle commence à me poser une question en anglais, fait que aussitôt que j'entends ça, je me tourne, mais c'est ça, il est comme en début de conflit, là, puis je suis vraiment minorité. Fait que là, je lui dis, je lui explique en anglais qu'il me demande mes titres de moto, je veux pas lui donner, je veux aller avec. Puis je dis, je trouve pas ça compréhensible dans le sait, qu'on voyait un peu l'histoire, là. Tu vois un peu ça comme ça. Fait que là, finalement, j'y donne. La fille, elle dit, oui, ça me semble bizarre. Fait qu'elle explique ça. Juste avant de pogner les nerfs, donner une minute, je réussis à dire à la fille, regarde, là, tu vas lui expliquer que je me retourne au quai. Parenthèse. Quand j'ai dit que j'avais cherché longtemps le bureau d'immatriculation, ben c'est vrai, on avait tourné en rond puis on était revenu à côté du quai. C'est juste là qu'il était. Parenthèse fermée, je continue. Parce que finalement, le bureau de la SAC est pas loin du quai. Je me retourne au quai, que s'il veut embarquer avec moi, qu'il embarque avec moi, sinon il s'arrangera pour venir, que ça s'arrête là la discussion de façon assez ferme. Et c'est la situation, comme ça que j'ai réussi à mettre fin à la situation. Je suis allé direct avec là, la jeune fille est venue avec nous. Ben, les trois jeunes filles sont accompagnées, on demandait un taxi. Elle dit au taxi en espagnol de nous amener au quai. Le monsieur, l'aideur embarqué avec nous autres, en beau maudit, encore une fois. Et là, il nous parlait plus, là, ça marchait plus. Le gars avec le sac à dos, on l'oubliait, ainsi de suite. Et, lui, il était plus là, on était revenu dans un taxi et on se retournait au bureau d'immatriculation. Une fois rendu au bureau d'immatriculation, là, l'aideur me demande de l'argent pour m'avoir aidé. Fait que là, oublie ça, là, pas avec ce qui vient de se passer. J'étais vraiment pas dans un état diversé de quoi que ce soit. Fait que là, il commence à m'engueuler avec tout ce qui s'en va, puis comme quoi qu'il va appeler les policiers, puis que c'est un ami des policiers, ben oui. Baratin, là. Il en met tellement que je m'aperçois au final que c'est impossible que ce gars-là ait autant de contacts que ça. Fait que tout ça pour dire qu'on rentre chercher nos papiers et on demande à madame qui nous donne nos papiers d'immatriculation, qui était la fonctionnaire, est-ce que ça prend des assurances? Mais elle ne le savait pas trop. Fait que là, première impression que j'ai eue, hey! Celle qui donne les papiers, c'est pas trop pour les assurances. Moi, je le sais pas. J'ai essayé de me faire pogner là. Ah, oublie ça. Viens ta Marie, on sort d'ici. Fait que on a décidé à ce moment-là de sortir de Carthagène. On n'a pas eu le temps de visiter Carthagène. On avait trop hâte de sortir, on ne savait pas trop. Il y a comme une espèce un moment de on sort d'ici, on veut d'autres choses. Là. Il y avait trop eu de problèmes en deux jours, là, on voulait sortir. On embarque nos motos et quelle belle découverte. La découverte de la Colombie. Alors, aussitôt qu'on est sorti de Carthagène. Carthagène est une super de belle ville. Je veux retourner visiter Carthagène. Mais les routes, aussitôt qu'on est sorti. D'un, c'est très tropical. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de palmiers. Tout est vert, mais tout est des montagnes. Puis quand je suis pas des vallons, là, des montagnes. Donc, c'est pas des montagnes enneigées. Ça arrête. On atteint le sommet toujours. Fait que les routes, c'est pas compliqué. C'est des routes qui serpentent, des petites routes qui rencontrent, qui serpentent les montagnes, qui montent. Sur le dessus des montagnes, il y a des villages. Ça redescend. C'est encore en serpentant. Ça, déjà. Et ça descend toujours de cette façon-là. C'est magnifique comme route. Alors, on longe comme ça les montagnes. Au niveau de la conduite, les voitures, ça ressemble pas mal à ce qu'on a chez nous. Les modèles, on ressemble, sauf que, bien sûr, les routes sont remplies de camions. Des camions un peu plus vieillots. Là, on parle des camions fin 70, un peu pas trop droite, chargés de façon un peu spéciale. Et c'est tout en montant. Donc, on doit toujours être en train de dépasser les camions. Puis c'est toujours des petites voies pas large. Fait que c'est toujours des dépassements illégaux par chez nous, mais totalement légal pour eux. Dans le fond, quand t'es en moto là-bas, tu te casses pas la tête. C'est, tu peux dépasser à droite, à gauche. Et donc là, on dépasse à gauche, même dans les courbes, quand ça rencontre. Ben, on vient habitué. Tout le monde sont habitués. Ça klaxonne même pas. T'sais. On se tient plus serré. Les premières fois qu'on fait ça, on serre les fesses un peu. Mais n'empêche, une moto, ça a quand même beaucoup de power, là, fait quand on y en demande, ça dépasse vite. Fait que le truc qu'on avait pogné, moi puis Marie, c'est que moi, comme ça me dérangeait moins de rencontrer, j'allais passer en avant, puis par notre système d'audio, ben là, je pouvais dire, OK, tu peux y aller, il y a personne. Fait que pour Marie, elle avait super de fun. Même un moment donné, c'est elle qui m'a dit, ben, tu peux y aller dépasser. Sauf que la situation, c'est que il y a déjà un camion qui est en train de dépasser un camion, donc il y avait plus de voie. Mais elle me disait qu'il restait de la place sur l'accotement extérieur. Donc, notre tête vient qu'on, dans un autre mode de conduite. C'est complètement différent. On n'est pas trop stressé non plus. C'est comme si on était plus aux aguets. Ceci étant dit, rouler en moto en Colombie, c'est une expérience unique, vraiment magique. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on croise deux Britanniques. Donc, je savais pas que c'était des Britanniques, mais on croise une moto, une Transalp, avec deux personnes assises dessus, et ils arrêtent. C'est sûr qu'on croise des motos chargées, équipées comme nous. On arrête, on commence à jaser. Finalement, c'était deux Britanniques. Et vraiment un couple très sympathique, amusant, trippant. En plus, ça faisait du bien de parler anglais plus ouvertement, même si mon anglais est pas très fort. Ça me permet quand même d'avoir une discussion. Ça pourrait apprendre que c'est un couple qui voyage, eux autres en moto comme ça. Ce qu'on fait, c'est des Britanniques. Ils ont envoyé le moto aux États-Unis. Fait qu'ils voyagent un bout. Ils voyagent 2-3 mois. Quand ils ont plus d'argent, ils trouvent un endroit pour entreposer la moto. Et ils prennent l'avion, retournent travailler. Une fois qu'ils ont travaillé, qu'ils ont assez d'argent, reviennent et ils continuent leur voyage comme ça. Ça fait quelques temps qu'ils fonctionnent comme ça. C'est vraiment trippant comme voyage. On s'entend quand même bien. C'est un couple amusant. On a du fun. Vu qu'on décide de partager la route qui était notre objectif. On avait le même pour la journée qui était se rendre à Medellin. Ben oui, le fameux Medellin. Donc, on décide de prendre la route avec eux autres pour se rendre à Medellin. Mais là, avant de compter Medellin, je vais avoir besoin d'une pause. Je vais placer mes idées encore maintenant parce que Medellin, c'était vraiment... C'est spécial. C'est quand même l'endroit à Pablo Escobar, c'est sa ville. C'est qui dit Medellin dit cartel. Donc, je vais revenir avec ça. Parenthèse, j'ai rien à dire sauf que là, il était supposé d'avoir la deuxième chanson. Parenthèse fermée. Je continue. Fait que la dernière fois que j'ai terminé, on était rendu avec les Britanniques puis on se dirigeait vers Medellin. Donc, l'objectif de la journée, c'était bien sûr rouler vers Medellin, qui était quand même une bonne distance à parcourir. Et lors de nos arrêts en cours de route, on sent les Britanniques nous expliquent l'hostal qu'ils ont trouvé, l'endroit, et ainsi de suite. Ils avaient déjà magasiné ça, eux autres. Donc, parfait, on va vous suivre, on va y aller, on va sûrement avoir de la place. Et tout ça, on se rend à Medellin. J'ai même pas besoin de GPS, c'est lui qui le gère, donc... Je le suis. Hey, c'est super le fun. Fait qu'on rentre dans Medellin et on se rend à l'hôtel qui s'appelle le Black Sheep. Un super bel hostel dans un quartier vraiment touristique, super bien placé, vraiment pas cher, propre avec tout ce qu'on a besoin dedans, la cuisine, blablabla, une place d'ordinateur, il y a deux terrasses, une dans une cour intérieure, puis une qui donne sur la rue. Quelque chose de vraiment beau. Puis j'étais super content que les Britanniques aient trouvé ça. Parce que en plus, on a su lors de la journée que les routes se fermaient. Donc, le Colombie est pris avec des manifestations. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir repartir de Medellin. Alors, cette soirée-là, on n'en fait pas un cas. De toute façon, on s'en va se coucher. On a une petite chambre privée. Parce qu'on sait qu'on est là, fait qu'on c'est ce qu'on décide de se prendre. Même avec une salle de bain privée. Là, ça, c'est le gros, gros luxe. Super beau. Fait que le lendemain matin, comme j'étais un peu lève-tôt, je m'en vais dans la salle d'ordinateur pour aller aux nouvelles. Et je lis que, oh non, c'est beaucoup pire que ce que j'avais appréhendé. La Colombie est prise avec une vague de manifestations les plus grosses depuis les années 70. Donc, quand on connaît l'histoire de la Colombie, on se dit, les plus grosses manifestations, non, c'est tellement hot. Il y a 50 000 militaires qui ont entouré le pays, qui ferment le pays, juste pour essayer de le contrôler. Donc, on apprend ça, on dit « Ouf, on est là pour un bout ». Puis le pire, c'est que cette manifestation-là, ça se passe surtout au sud. Donc, c'est notre direction, parce qu'on s'en allait nous autres après vers Cali. Donc, le chemin entre Cali puis Medellin est fermé. Mais quoi que le plus gros des manifestations serait entre Cali puis l'Équateur. Fait que, par contre, je vais regarder Medellin, parce que c'est... Ça semble beau. À première vue, c'est super beau. Là, je vais te parler plus qu'une fois que j'ai vécu dedans. Là. C'est une grosse ville. Il y a plus de 3 millions d'habitants. La ville, c'est propre. C'est bien entretenu. Mais ce qui est fascinant de cette ville-là, c'est que c'est en vallée. Donc, toute la ville est faite à flanc de montagne. Les routes sont tellement abruptes. C'est un peu comme à San Francisco, sauf qu'au lieu de juste un côté, c'est deux côtés, puis l'autoroute est dans le milieu. Tout est en colline, à travers, puis avec de la verdure à des endroits, des petits îlots de maisons. C'est superbe. Mais c'est sûr qu'à première vue, ceux qui connaissent un peu la Colombie en cantant de Medellín doivent se dire, ben voyons, Medellín, c'est la ville à Escobar. Oui, ça nous revient tout le temps dans notre tête, c'est Medellín, c'est à brasser, blablabla, mais j'ai beau chercher dans mes souvenirs, et c'est la plus belle ville que j'ai vue. Ouais, c'est incroyable, il y a tout, il y a vraiment tout. Mais même si c'est Escobar, okay, Escobar, un peu tout le monde connaît Escobar, si t'as jamais entendu parler d'Escobar, Escobar c'est le plus grand trafiquant de cocaïne de l'histoire, juste donner une idée de qui il était. Il a déjà été dans les hommes les plus riches de la planète, encore aujourd'hui. Sa fortune, c'est l'enfer, je sais. En tout cas, ça se compte pas, je peux pas tout parler de ça, mais je sais que dans son règne, au sommet de son règne, seulement 2 ans, à l'apogée de son règne, là, il s'est tué plus de 50 000 personnes. Plus de 50 000 personnes, puis 600 policiers. Donc, hey, c'est quand même l'enfer. Et c'est là, quand tu connais les récits un tout petit peu, tu sais, la rumeur dit que si tu apportais une casquette de policier à Escobar, il te donnait l'équivalent de 1 million US dans un pays qui n'avait pas d'argent. Parenthèse. Hey, ça, c'est une coquille numérique. C'est pas 1 million qu'il donnait. C'était 1 000. Ben, 1 000, c'est quand même beaucoup en Colombie dans ces années-là, juste pour une casquette de police. Ben, parenthèse fermée. Je continue. Et pour un policier, là, ça se vivait pas. Escobar avait le contrôle complètement. C'est l'histoire qu'on entend de la Colombie parce qu'on était. On en parle sur la planète, mais on oublie que Medellín, c'est aussi la ville de Botero. C'est une ville artistique. C'est une des villes où l'art est la plus présente que j'ai jamais vue. Fernando Botero est natif de Medellín. Et il y a même une place à Medellín qui s'appelle la place Botero que. Beaucoup de ces statues sont là, c'est des gros bronzes, très, très typiques, très bombés de Botero. C'est ça, c'est un mix. Et c'est Medellín, c'est toujours un contraste. C'est, d'un côté, c'est la beauté de la place, c'est dans les lieux, tout est super beau, c'est propre. Je vous dis, c'est une des plus belles villes que j'ai vues, c'est la plus belle ville que j'ai vue. Puis d'un autre côté, toute l'histoire, arrête pas de nous revenir en pensant, hey, c'est ici qu'il y avait. Le cartel de Medellín, c'est ici que c'est né. Donc, j'ai adoré ma première impression de cette ville-là, de première impression, mais j'ai aussi encore plus tombé en amour avec quand je me suis mis à chercher un magasin de moto. Hey, c'est pas compliqué, là. Il y en a partout. Il y a une rue, là, ce n'est que des magasins de moto. Donc, j'ai eu le temps de regarder. Il y a des spécialistes, il y a des généralistes, il y a des dealers. Il y a de tout. Maintenant, je vais en voir une qui se spécialise en KTM. C'est pas un vendeur KTM, mais c'est un spécialiste en réparation de KTM. Fait que tu es en rentrant dedans, je vois bien que le gars est tripant au bout. Il a fait terre de feu lui aussi avec un 950 Adventure. Fait que on s'entend super bien. J'explique ce que j'aime pas sur Jarvis. Une job de fourche à faire. Fait que il me dit ah, moi de faire ça, blablabla, je vais te citer ça de même, j'aime ça raide. Oh oui, t'aimes ça stiff. Anyway. Parenthèse. Fourche, raide, stiff, on parle juste de suspension moto. Parenthèse fermée, je continue. Écoute, super de bon service, numéro 1, tout est super bien fait. Je reviens après ça dans la soirée même à l'hostal, je compte ça au Britannique. Britannique, il dit justement, il me cherche une place parce que mon moteur de Transalp, il tire plus, ça avance plus du tout. Fait que là, j'explique la shop, quand même matin, je dis, on va aller le voir ensemble. On s'en va le voir, il vérifie la compression sur le Transalp. La Transalp n'a plus de compression. Donc, il faut ouvrir le moteur au complet. Il n'y a plus rien à faire avec ce moteur-là s'il reste comme ça. Mais ça, c'est une job qui coûte quand même cher. Fait que le propriétaire, le gars c'est un voyageur en moto aussi, ben, il nous arrange quelque chose. Ben, pas à moi, parce que moi, j'ai rien gagné là-dedans, mais le Britannique, il a fait une place dans le coin de la shop. Puis il a dit, démonte, prépare la moto là. Fait que moi, puis le Britannique, on a sorti le moteur du cadre, on a mis le moteur sur l'espèce d'établi, on a ouvert jusqu'à temps qu'il reste, tout est ouvert, au piston, le piston était ouvert. Et là, le plan, c'était que le mécanicien ait cherché les pièces le lendemain matin et commence sa journée avec ça. À midi, le lendemain, la job était faite. C'était l'enfer, puis ça y a même pas coûté 500 pièces. Parenthèse, pour ceux qui connaissent pas comment ça coûte de refaire faire un moteur, une job comme ça chez nous, on chanceux si on s'en tire en bas de 2000. Parenthèse fermée, je continue. C'est le paradis de la moto. C'est pas seulement la place que j'ai préféré rouler à date, mais c'est au niveau des moteurs, c'est au niveau des motos, faire de la moto là-bas, c'est tout. Réparation, tout. Fait que ça a pris quand même quelques jours ça, mais à force de faire des recherches, j'étais comme rendu moi le spécialiste de la situation au sud puis autour de Medellin. Je m'aperçois que la situation elle change pas du tout. Même le nord là, il est rendu fermé. C'était confiné. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça s'annonce pas bien à ce moment-là. On visite les coins, on s'amuse une journée, on va passer nos journées au centre d'achat, parce qu'il y a un centre d'achat là, c'est l'enfer, un centre d'achat à flanc de montagne, puis avec la terrasse sur le toit du centre d'achat. Quand t'es assis là, prendre ton café, là, t'as la ville de Medellin en avant de toi, là, c'est incroyable, c'est une vue qui vaut des millions. Fait. Mais après quelques jours, ça commence à venir long. Fait qu'on a trouvé, on s'est trouvé ce qu'ils appellent, dans les villes, sont tous des walking tours. C'est des gens de la place qui offrent de même des visites guidées. Puis c'est gratuit. Tu donnes à la fin comment tu penses que ça vaut. Fait qu'on trouve un walking tour donné par un gars qui s'appelait Pablo. C'est sûr qu'au premier, je partais à rire, le gars. J'étais en Colombie, je fais un walking tour. Le gars qui se présente, il s'appelle Pablo. C'est un gars à peu près mais hyper cultivé, fin vingtaine. Il avait étudié aux États-Unis, au Canada, mais il était natif de Medellin. Puis, comme ce qu'il m'expliquait, c'est une fois que tu as connu Medellin, tu veux pas connaître rien d'autre. Puis pourtant, Pablo était né dans le quartier chaud. Et de son âge, j'ai déduit qu'il a connu ça, ces moments-là. Là, il a connu quand ça brassait. Fait. La visite qu'il nous a fait faire, c'est complètement malade. Il nous a commencé avec la place. La base, ce qui a tout changé en Colombie, c'est qu'il y a un endroit qui était extrêmement chaud. Pourquoi c'était chaud? C'est qu'il y avait deux bâtiments qui avaient été pris par les cartels. Et tout ce qui s'approchait de cet endroit-là, tu te faisais tirer à vue. Donc, même Pablo nous racontait qu'il se rappelle de voir des balles arriver, d'entendre des balles à cet endroit-là. C'est comme personne ne passait là, personne ne traversait là. Alors, à ce moment-là, c'est là qu'il y a eu un coup de génie. Pablo classait cet acte-là comme de génie. J'attendais d'avoir son histoire. Une fois qu'il me l'a raconté, effectivement, cette mère-là était tout simplement un génie. Ce qu'il a fait, c'est que juste dans un espace libre qui était à côté du quartier le plus chaud, il a fait construire une bibliothèque. Une superbe de bâtisse architecturale de plusieurs étages qui était une bibliothèque. Fait que pendant qu'ils ont construit ça, ça a pris quand même quelques temps, ça a repoussé un peu les cartels. Donc, ils avaient délaissé les bâtiments, ils avaient changé l'endroit qui se rassemblait. Le côté commençait à s'assainir un tout petit peu. Donc, vu que les bâtisses étaient libres, le maire a décidé, avec une de ces deux bâtisses-là, d'y mettre le ministère de l'Éducation. Donc, à partir de ce moment-là, il est comme dans un quartier, autour d'un parc, un espace vacant, une superbe bibliothèque, ministère de l'Éducation de l'autre côté, et au centre de ça, ils ont érigé des sculptures, des flèches qui montent vers le ciel avec des lumières, et c'est magique comme endroit. Et ça, c'est vraiment le début. Parce que les gens, à partir de ce moment-là, quand ils ont vu que le maire, avec un projet comme ça, avait réussi à repousser le cartel au complet, les repousser un peu plus loin, et assainir cet endroit-là, les gens commençaient à le croire. C'est sûr que vers la fin du cartel, il y a d'autres événements qui ont aidé ça. On suivait, on marchait, et il reste encore, bien sûr, à Medellin, des choses qui sont difficilement explicables à moins de les avoir vécues. J'étais chanceux, j'étais avec Pablo, qui était lui-même natif du quartier chaud. Alors, il nous dirige après ça vers le quartier chaud, que lui avait connu comme le quartier chaud. Il nous explique avant d'y aller les mesures de base, comme ton sac à dos, c'est faut que tu le mettes en avant. Puis tu le mets dans ton dos, c'est sûr que tu te le fais enlever. C'est, ici, c'est même pas vu comme un crime, c'est vu comme un don, un sac à dos. Ton appareil photo, assure-toi de l'attacher sur ton poignet avant de le sortir. Même ton cellulaire, t'attaches, parce que si tu sors ça, tu te le fais voler, c'est même... C'est un... C'est... Si t'offres quelque chose comme ça, les gens disent, ben, t'as couru après, t'es responsable. Donc, c'est un peu la mentalité. Par contre, hey, c'est cool. C'est, tu marches, tu te sens même pas à l'aise. Tout le monde a le sac à dos en avant, puis ça va bien. Le quartier chaud même mène à un paradoxe, un autre paradoxe colombien. Il mène à l'ancien palais de justice qui a été transformé maintenant en centre d'achat. Le plus gros centre d'achat de contrefaçon que j'ai vu de ma vie. C'est immense. C'est juste la contrefaçon. Et tu rentres, vous des policiers qui sont en train au guichet de la contrefaçon. Puis pour se rendre à ce palais de justice-là, ben à ce centre d'achat Nouvelle Vague, il y a les rues. Fait qu'il y a plein de commerces illégaux qui ferment les rues, qui se mettent dans le milieu de la rue et qui n'ont pas de terrain, ils ont rien, et ils vendent. Et c'est sûr que la majorité des choses qu'ils vendent, c'est des chandails de foot, football, soccer par chez nous, jaune. il y en a partout. Et donc, c'est ça. On s'en va que là. Et il nous apporte, après cette visite-là, il nous apporte un endroit qui est un autre moment qui a aidé le changement de Medellin. Botero avait construit une statue qui est un oiseau dans ses formes très sphérique, c'est très, très, très gonflé. C'est un gros bronze. Je pense que c'est du bronze. Là. Et immense, qui représentait un oiseau. Et lors d'un attentat, quelqu'un avait mis un explosif en dessous et il a fait exploser une bonne partie du bronze. Et en tuant plusieurs personnes, dont des enfants à ce moment-là. Et la ville voulait enlever toute trace de cet attentat-là. Ça s'est passé en, il me semble, c'était en 95. Donc, ils voulaient enlever toute trace de l'attentat. Et on fait amener les boules et ainsi de suite, parce que c'est vraiment un gros bronze sur un gros soc de béton. Et le téléphone a sonné. Il paraît que ça s'est vraiment passé comme ça. Juste avant que les grues veulent faire le reste de la statue, c'était Fernando Botero qui appelait. Pour dire aux entrepreneurs, non, laissez ça là, touchez pas à ça, je fais quelque chose, touchez pas à ça. Et vu que c'était Fernando Botero lui-même qui appelait, ils ont décidé d'attendre qu'est-ce qu'il allait faire. Et Botero a fait un autre bronze. Exactement pareil. Le même oiseau, fait pareil, juste un peu plus gros. Qui ont installé à côté de l'autre détruit sur un socle. Et pour Botero, c'est une autre façon de montrer que tu peux le défaire, mais tout se reconstruit. Alors, toute cette philosophie-là, c'est philosophie un peu colombienne. Fait que c'est un peu magique comme milieu. Ils ont des mémoires sélectives, ils ont des mémoires... Ils savent pas ce qui se passe autour, je leur pose des questions, ce qui se passe à 150 km de l'autre, ils ne voient pas. C'est compréhensible, par exemple, avec l'histoire qu'ils ont eue, de vouloir... essayer d'oublier ces choses-là. Mais certaines choses qui se rappellent tout le temps, là. Si tu lui demandes quand est-ce que la Colombie a pris l'avance contre l'Argentine dans un match de soccer, ils vont s'en rappeler. Là. Ça, ils s'en rappellent. Mais toute l'histoire, ce qu'il y a eu, même ce qui s'est passé avec Escobar, même ça en soi, Escobar a construit des endroits pour les pauvres complets. Et ce milieu-là, c'était comme... Wow! Mais d'un autre côté, il payait ça avec l'argent du trafic de drogue qu'il faisait. Fait que c'est pour ça, même Pablo, lors de sa visite, nous disait, tu parles pas de Pablo Escobar à Medellin. Parce que, pour certains, c'est la meilleure chose qui a passé en Colombie, tandis que pour d'autres, c'est la pire chose qui a passé en Colombie. Tout est un paradoxe. En tout cas, après cette journée-là, en retour à l'hôtel, c'est ça, je me retourne tout de suite à l'ordinateur pour voir où en est la situation au sud. Et c'est ouvert. Ça ouvre. Fait qu'on va pouvoir y aller. C'est sûr que là, à ce moment-là, j'étais aussi fébrile parce que j'avais tellement hâte de voir d'autres choses. Parce que le peu que je venais de découvrir de la Colombie, me faisait triper au bout. Fait que, mais c'est sûr que mon confinement à Madeleine n'a pas été très difficile. Fait que là, je m'en allais vers Cali. J'allais prendre la route historique. La route qui séparait le cartel de Madeleine du cartel de Cali. Je m'en vais rouler là-dessus. Fait que je m'en vais préparer les affaires. Et c'est sûr que je continue l'histoire après. Parce que là, j'ai besoin de... Parenthèse. Je devais avoir une autre chanson là, mais je vais en profiter pour offrir cet espace si jamais il y a des gens qui voudraient me donner des opportunités, des commandites. Ben, je fais mes parenthèses avec toi. Parenthèse fermée, je continue. Je suis rendu à la dernière portion de mon récit sur la Colombie. On avait terminé notre confinement à Medellin et on prenait la direction sud pour s'en aller vers l'Équateur. Mais avant, entre les deux, il y avait bien sûr Cali. La distance entre Medellin puis Cali, elle se fait pas une journée. Notre confinement à Medellin, pendant ce temps-là, on avait pensé... C'est pour ça que je regardais souvent si les routes du nord de la Colombie étaient plus faciles d'accès. Celles du nord-ouest, on a même pensé d'aller en Amazonie, aller rouler en Amazonie dans ces coins-là. Tu sais, vu que les plans devaient changer, on savait pas les manifestations durant le temps, on s'était comme fait à l'idée que ah peut-être qu'on va quitter vers l'Amazonie. Puis finalement c'était pas mieux, ça l'a rouvert plus vite par le sud. Mais une fois que j'étais là, on était rendu au cœur du café, au cœur de la capitale du café. C'est exactement là qu'il y a beaucoup beaucoup de café. Donc ça fait le paysage est unique. Les montagnes extrêmement abruptes. Tout est vert, d'un vert feuille de café, bien sûr, et plein de petites maisons ici et là, à flanc de montagne, avec les devants de la maison à pilotis, qui sont comme parsemés dans cet environnement-là. Et puis la route qui est pas large, tortueuse, qui monte à les flancs de montagne toujours le même principe, hein, des petites routes pas trop larges qui rencontrent pas. Ben, tu rencontres, mais tu sais, c'est ce que je veux dire, c'est pas très large, c'est pas une autoroute, là. Et tu roules jamais plus que 60 là-dedans. Puis, on a le fun. C'est la même technique qu'on est habitué de prendre, là. Je dépasse en avant de la vanne. Je dis à Marie dans notre système, que c'est beau, elle continue à passer, tout est beau. Puis là, en plus, on est super à l'aise. Et je me suis procuré un GPS, fait que là, j'ai la bonne route, je laisse aller, il est à jour, il est acheté en Colombie, donc tout est à jour là-dessus, puis on descend vers Cali pour se rendre la journée à Manizales. Donc on a réussi à faire une recherche, on a trouvé un hostel à Manizales qui s'appelle la Rose des Vents. C'est un nom très français, on a dit, on va aller voir, puis comme de fait, c'est une jeune Française qui s'est ouvert l'hostel à cet endroit-là. Donc, super cool. On décide de prendre ça. On va pouvoir parler avec, avoir de l'histoire, et ainsi de suite, mais on a juste un problème. Il n'y a pas de stationnement pour les motos. Et je m'en vais, moi je ressors à l'extérieur de l'hostel. Moi je dis l'hostel, dans le fond, c'est un 5,5 dans lequel elle nous louait une chambre. C'était ça. On était dans sa cuisine, on était dans son salon, on louait sa chambre, mais on appelait ça un hostel. Aujourd'hui, il appellerait peut-être ça Airbnb, mais à ce temps-là, c'était comme l'hostel Rose des Vents. Fait que je descends là, c'est dans un petit quartier, maison très collée, et je bisonne sur les motos, puis je regarde un peu, je marche un peu, il arrive un vieux monsieur, toujours avec la gentillesse colombienne. Même si je comprenais absolument pas ce qu'il me disait, j'essayais d'y expliquer, moi, avec le langage des signes, que je me cherchais une place pour stationner les motos sécuritaires. Je comprenais du tout ce qu'il me répondait. Il était très âgé, plié, édenté. Et c'est pour ça qu'il y a un édenté qui parle espagnol. En tout cas, il m'a vraiment aidé. Il m'a dit de le suivre. Je l'ai suivi. Et il a cogné une porte juste à côté d'un grillage qu'on voyait le stationnement derrière, et je vois qu'il est en train de me négocier quelque chose. Finalement, il me négocie un stationnement pour 3 piastres. Je le convertis toujours en argent de chez nous, là, pour que ce soit facile à comprendre. Les 3 piastres pour parquer les deux motos toute la nuit, sécurité, barré, puis tout. Ben oui, on dit oui. Fait que c'est comme ça qu'on a trouvé le stationnement, on est super à l'aise. Et on discutait avec la Française, puis c'est lors de nos échanges d'expliquer comment ça que les maisons, comme pas les maisons, mais que les villages en Colombie étaient toujours sur le haut des montagnes. Puis quand on regardait, il y a toujours des téléphériques un peu partout. Et c'est comme ça qu'ils sortaient le café. Donc, vu que les gens habitaient en haut des montagnes, apportaient le café là, faisaient ce qu'ils avaient à faire avec le café, et ils sortaient par des petites nacelles, par les téléphériques, vers le bas. Donc, c'est pour ça que c'est des nacelles partout. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis en plus, ça m'a expliqué les endroits. On nous a dit où aller prendre du café, parce que Manizales est la capitale du café. Et qu'on est allé à un endroit qui s'appelle Juan Valdez. Super endroit, un café dehors, mais un excellent café. T'sais, on prend du bon café souvent, là, mais la majorité du temps, c'est du café instant. Mais qui accompagne un bon café, on en prenait un bon. Et celui-là, il était vraiment bon. Donc, c'était notre soirée à Manizales, comme ça. Fait que le lendemain, on reprend la route en descente. Même chose magique pour se rendre jusqu'à Cali. Mais à Cali, j'avais déjà fixé où est-ce qu'on allait rester. On est resté à Motolombia, qui est un endroit quand même connu pour les motocyclistes comme moi. Parce que c'est comme un hostel et qu'un endroit qu'on peut fixer les motos. Puis j'avais vu que le sprocket arrière à Marie commençait à avoir besoin d'aide. Donc à cet endroit-là, le propriétaire Mike, qui est un motocycliste aussi, propriétaire de ce magasin-là, c'est un all-in. Tout est là, tout est... C'est super le fun d'être là. C'est pas compliqué, là. T'as une place pour coucher, t'as une place à faire à manger, puis là, tu traverses la rue, puis ta moto est stationnée là, dans le garage, tu peux travailler dessus, donc c'est vraiment bien pensé. Et ce soir-là, à Cali, on a connu un peu aussi l'engouement colombien, parce que c'était le match de foot qui allait permettre à la Colombie d'accéder au mondial. Fait que... les rues étaient pas fermées, mais anyway, ils étaient fermés parce qu'il y avait du monde partout, partout. Tout était jaune. On disait, on va aller voir le match. Il y a comme un engouement qui sont là. Parenthèse. Mon image est pas assez forte encore. Il s'agit de s'imaginer le vieux Québec rempli de gens avec des chandails jaunes. Les seuls qui ont pas des chandails jaunes, ben, je pense que c'est des touristes. Parenthèse fermée. Je continue. Les gens rien, c'est comme un petit écran qu'une personne sortait sur une table à l'extérieur de la terrasse et c'était un attroupement. Et à travers toute cette marée de jaune-là, on essaie de voir les TV et ainsi de suite. C'est pour dire que finalement, on a fini la soirée assis sur la terrasse de notre stade, mais on suivait le score juste à entendre les gens crier, l'engouement, on savait exactement ce qui se passait. Donc, pis en plus, c'est le match qu'ils ont remporté pour entrer au mondial. Fait que l'engouement à la ville, on n'a pas dormi, il y a eu du bruit toute la nuit. Mais c'est pas grave, c'est vraiment... magique un peu comme moment. Et fait, on n'a pas resté longtemps. On a le temps de fixer les motos, 2-3 jours. On a le temps d'avoir les pièces, puis avoir ça. Puis après ça, quitter vers le sud pour aller traverser les lignes en Équateur. C'est même type de route encore. Mais quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est ce qui est le fun là-bas, c'est que les motocyclistes, on est comme tout le monde est cool avec nous autres. On arrive à quelque part, puis on s'en va se mettre en avant des fils quand il y a des flagmen, quand il s'est arrêté. Puis les gens nous laissent passer, les gens veulent qu'on y aille, puis même souvent, ils nous laissent passer, même s'ils laissent pas passer les voitures, parce qu'ils savent qu'en moto, on se faufile, fait que, on passe partout, on s'aligne partout comme ça, c'est super le fun comme place pour rouler, donc c'est pour ça que c'est comme ça qu'on a continué la route. Le bout là était le plus dur, c'est ça, on approchait le point le plus chaud, c'est le point où ça brassait, puis... ça avait brassé, et ça brassait encore quand on a passé, fait qu'à cet endroit-là, les routes étaient en soi encore fermées pour les autos, mais ils nous ont laissé quand même passer, vu qu'on était en moto, fait qu'on contournait comme des petits amas de roches, après ça, un petit feu à travers, ça, des tentes qui étaient dans le chemin, qu'il fallait contourner comme ça. La plupart des gens nous ignoraient, certains n'avaient pas l'air vraiment être contents, mais il y en avait toujours qui nous envoyaient la main, on voyait que, tu sais, la crise n'était pas finie encore. Là. Le chemin allait ouvrir. On voulait passer, on voulait sortir parce qu'on voulait pas être pris là. Mais c'est comme ça qu'on a passé pour coucher un peu plus au sud, juste avant la frontière, préparer les papiers, préparer nos affaires avant de passer en Équateur. Puis juste aller visiter juste avant une petite cathédrale au front de l'Équateur qui s'appelle, il me semble, c'est Ipiales. Cathédrale magique qui est bâtie directement à flanc de montagne. Donc, quand l'avant de l'église, où est-ce que le curé s'installe, où est-ce qu'il y a le tabernacle, est comme à même la roche. Donc, le mur en arrière, c'est du rocher. Et la cathédrale est comme suspendue dans une vallée avec super de grosses vallées puis une petite passerelle qui y va. C'est vraiment, une belle place. Mais tout ce que j'ai vu en Colombie était beau. C'est pas compliqué, là. Tout ce que j'ai vu en Colombie était beau. Donc, c'est ça. On voulait sortir. Mais la Colombie, c'est A+. C'est juste pour moi, là, c'est juste un gros A+. A+, comme tout est cool. C'est A+, dans une cotation A+. Puis dans l'autre version aussi, A+. C'est sûr que je vais retourner en Colombie un jour. Donc, c'est ça. Ça m'a fait mon premier podcast. J'espère que t'aimais ça. J'espère que tu vas prendre goût à la façon que je raconte mes histoires. J'en ai comme ça, là. J'en ai, là. C'est ça que Colombie, c'est spécial. C'est long. Des fois, ça va être plus court que ça. Mais hey, j'en ai plein d'anecdotes de même, là. Je pense que ma prochaine que je vais commencer, ça va être sur la Russie. Ma traversée de la Russie. Hey. C'est passé des affaires pas pires, là aussi. Fait que, sur ce, c'était le premier podcast de la Colombie de Garage Wanderlust avec Yann, qui est en direct de son garage, qui s'en va préparer d'autres affaires parce que finalement, c'est quand même cool à faire. Salut!